18-23. Activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage deux fois. Aide-moi, je ne peux pas descendre! Tu t'es débrouillé pour monter, débrouille-toi pour descendre. Aide-moi! Débrouille-toi toute seule. Le chameau. Aide-moi, je ne peux pas descendre! Tu t'es débrouillé pour monter, débrouille-toi pour descendre. Aide-moi! Débrouille-toi toute seule. Le chameau.